Contes et légendes de l'heure, Foulbec et Toutainville, le trésor des Anglais. En travaillant sur cette côte, côte dite des Grandes Bruyères à Foulbec, non loin de la Charrière, on a trouvé une grande quantité de fragments de tuiles. Je n'ai pu m'assurer si elles étaient romaines. Tout ce que j'ai appris, c'est que là existait une croix, à quelques pas de laquelle on prétend qu'un trésor a été caché par les Anglais. On parle avec soin d'un vieux livre où le fait est consigné, avec cette assertion que le trésor suffirait pour nourrir pendant 12 ans tous les habitants de la commune. La tradition des trésors enfouis par les Anglais lors de leur expulsion de la Normandie se retrouve en plusieurs communes. Si l'on voulait croire aux récits villageois et affronter la mort dont se menaçaient ceux qui lèvent un trésor, on pourrait faire de brillantes fortunes dans des carrières voisines de la rue Glatigny, à Toutainville, que les Anglais ont rendues invisibles à tous les regards. Là aussi, la tradition entasse des monceaux d'or. Alfred Canel, Essai historique, archéologique et statistique sur l'arrondissement de Pont-Audemer, 1833. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.